Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Tenny. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Tenny. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti, coup d'envoi pour ce nouveau Planet Rap. Bienvenue Tenny, comment ça va? Bah merci beaucoup, ça va très bien et toi Fred? Bah écoute, je suis ravi de te rencontrer. De même. Je sais que tu es passé ici avec Emmerich notamment. Ah oui, c'était très sympa. On en parlait hier. C'était gentil. Mais pas plus et que toi, moi, et tu vas toi voir. Sûrement, tu, peut-être. Tu vas voir, tout va bien se passer cette semaine. Sois la bienvenue en tout cas Tenny. Merci beaucoup. On va faire connaissance avec toi, il y a un projet qui est sorti aujourd'hui. C'est ça, mon EP, Mal. Mal, il s'appelle Mal, M-A-L-E, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ça commence à bien marchoter. Ça va, t'es contente? Ça va, je suis super contente. Ça va, ça a l'air d'être bien reçu. Bon, on va voir un aperçu tout de suite. On va préparer un petit medley de ce EP. Alright. Et bon, on va découvrir ça et puis on va parler avec toi aussi de qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens. Ça marche. Et ce qui va t'arriver surtout avec le morceau Action ou Vérité. Allez, c'est parti, coup d'envoi de ce Planet Rap Tenny. Planet Rap Tenny. Passe à l'action. Et dis-moi tout de toi. Passe à l'action. Je veux le voir pour y croire. Passe à l'action. Joue le jeu avec moi. Action ou vérité. Vaut mieux d'appeler les pompes. Planet Rap. Passer comme ça. Une femme indéprécise décidée au micro, ça donne ça. Soir, 20h-21h, en direct avec Tenny sur Skyrock. Voilà ce que vous pouvez retrouver sur ce EP avec les morceaux, dont cette version aussi d'American Boy que tu as reprise. Yeah. Bon, ça va? Ça va, tranquille. Prête? Ouais. Pour ce Planet Rap cette semaine? Ouais. Et il y a un petit jeu à ce qui parle, alors Action ou Vérité? Bah, Action qu'on Vérité. Qu'on va se faire chaque soir. Déjà. Action, bah moi c'est Action. Action direct. Ah ouais. Bah moi j'invite tous les tweetos à donner des petites idées pour Fred. Donc ce soir c'est Fred. Mon tour et demain ce sera ton tour, c'est bon, ça? Demain ça sera mon tour, ok. T'es sûr tu veux pas qu'on inverse? C'est pour ma gueule ce soir? Ouais, on verra ce qu'ils diront sur Twitter. Donc hein, envoyer des actions que je peux éventuellement faire, c'est ça, avant 21h. Ouais. Toi tu vas en choisir un. Et j'ai déjà une petite idée. Déjà une petite idée. Si vous n'êtes pas assez hardcore, j'ai une belle idée d'action pour Fred. C'est quoi, ça veut dire quoi ce truc hardcore? J'ai une réputation comme ça, hardcore. Tu arrives direct. Non. Première soirée, tu me dis allez hop, on y va hardcore quoi. Mais écoute, faut pimenter un peu les choses, non? Moi j'adore ça. Attends, on est ensemble 5 jours. Mais méfie-toi, on va pas s'embêter quand même. Méfie-toi. Je te rappelle que demain ce sera ton tour. Donc méfie-toi du côté hardcore. On verra. Bon, on découvrira ça tout à l'heure avant 21h. Tiens, balancez vos idées d'action ou vérité. C'est vrai qu'on t'a connu avec ce morceau. Mm-hmm. On va débuter avec aussi. Pour les gens qui vont te découvrir cette semaine, on va faire un petit CV Express. Toi, avant tout, ce qui est incroyable, c'est que tu as vécu pratiquement dans le monde entier, sur plein de continents en fait. Bah ouais, ouais, on va dire sur les continents, mais pas dans le monde entier. Non, sur différents continents. Ça va, j'ai eu de la chance. Merci papa, merci maman. Mmh. Donc il y a eu continent avec Hong Kong, il y a eu évidemment Bangui, parce que toi t'es d'origine centrafricaine, libanaise, mais 100% dakaroise, comme j'aime bien le dire. Parce que j'ai grandi à Dakar, c'est mon pays, c'est chez moi, le Sénégal. Et donc voilà, je suis née en Centrafrique, j'ai fait toute mon école primaire à Hong Kong. Avec mes parents. Déjà, ça doit être bizarre. Le premier truc, c'est que quand tu quittes la Centrafrique pour Hong Kong, ouais. Parce que c'est d'autres cultures, donc... C'était spécial, mais j'étais très petite, donc ça s'est fait vraiment... T'as pas de souvenirs ? Oh non, c'était smooth. C'était l'inverse qui a été quand même un peu rude, hein, un peu. D'après, donc, Hong Kong, il s'est passé quoi ? T'es revenu en Afrique ? On était à Dakar, et là, ça m'a mis du temps quand même, parce que voilà, j'approchais l'adolescence. Ouais, t'as quel âge ? 11-12 ans quand t'arrives à Dakar ? Exact, j'en ai 11. T'as 11 ans ? Ouais. C'est quoi d'ailleurs le premier souvenir quand tu reviens en Afrique ? Alors, je reviens, déjà, on me dit, bon, on va aller t'inscrire à l'école. Et moi, je me dis, oh, tranquille, ouais, y a l'école américaine, je sais pas, quelque chose comme ça. Parce que j'ai été à l'école qu'en anglais, toute l'école primaire. Ouais. Et le français, ça me faisait peur. J'avais peur de ça. Mes parents, ils m'ont toujours parlé en français, mais je ne répondais jamais. Je parlais qu'en anglais et j'étais super complexée par mon accent. J'avais un petit accent un peu comme ça. Et donc ça me faisait peur. Et quand quand t'es à Dakar, il faut parler français. Voilà, ils m'ont annoncé que voilà, on allait m'inscrire à l'école et ça c'était mon premier souvenir dur. Quand ah ouais, je me suis rendu compte que bon ça va, c'était une école bilingue, mais voilà, fallait apprendre le français, parler le français, assumer le français et aller, il fallait quoi. Mais par contre c'est quand même une grosse claque a priori Dakar, puisque t'auras du mal à quitter l'Afrique, quitter le Sénégal. Aussi ça, voilà, il y a eu le petit choc culturel aussi, mais en même temps je me suis retrouvée chez moi. Parce que à Hong Kong, j'ai mis du temps quand même à... Bon, on peut pas dire à être acceptée par mon entourage, mais j'étais différente. J'étais différente et là, je me retrouvais avec des gens comme moi. Mmh. Voilà. Même si on est tous pareils dans le fond, on a tous du genre... Et puis cette chaleur africaine, c'est voilà, la façon dont les gens te reçoivent en permanence ou... Exactement. Où il y a toujours une porte ouverte. La teranga, on la ressent tout de suite. C'est vraiment le pays de la teranga, le Sénégal. Et bon, les Chinois, ils sont pas vraiment connus pour être les plus... Donc voilà, quoi, il y avait ça. Mais sinon, ouais, c'était dur aussi par rapport à mes amis... Non, même quand on est jeune, c'est toujours dur de partir comme ça. Bon, et puis une autre claque, ce sera aussi l'arrivée en France. Ouais, ça s'est fait beaucoup plus tard et j'étais déjà majeure, vaccinée. C'est moi qui prenais mes décisions, donc c'était dur, mais pas si dur que ça au final. C'est ce que je voulais. On va en parler dans un instant, mais là, juste avant, on débute avec ce morceau qui s'appelle Action ou Vérité. Et vous balancez d'ailleurs vos actions ou vérité. Ce soir, c'est moi qui m'y colle. Des trucs hardcore à demander, Tenny, donc allez-y. Avec le hashtag Tenny sur Skyrock. Je crois que j'ai regretté d'avoir dit ça. Ouais, moi aussi. surtout pour demain. Entre 20h et 21h, le Planète Rap Tenny, on débute donc avec ce morceau Action ou Vérité avec lequel on t'a découvert. C'est parti. Skyrock. Il est l'heure de faire ton choix. Prends ton temps, mais désire-toi. Le destin ne t'attendra pas. L'action est vérité. Ça en dit beaucoup sur toi. Que veux-tu savoir de moi? Es-tu sûr de faire le droit? I wanna play now. Play on Skyrock tonight. Yeah. Passe à l'action, Fred. Passe à l'action. Et dis-moi sur Skyrock. Passe à l'action. Je veux le vent pour y croire. Passe à l'action. Joue le jeu avec moi. Action ou vérité. Il est l'heure de faire ton choix. Prends ton temps, mais désire-toi. Mais dis-moi, est-ce que t'assumeras? Je mérite la vérité. Les secrets ne m'attirent pas. Vas-y, garde ta langue. Je veux le voir pour y croire. Passe à l'action. Joue le... yeah. Vérité, pour le fun ou pour la gloire. Ne donne pas de faux espoirs, besoin de lever pour y croire. Action ou vérité. Action ou vérité, c'est le nom de ce morceau avec lequel on a découvert Tennis et aussi sur le projet qui est sorti aujourd'hui. C'est un EP dans un premier temps. Donc un EP pas cher, on peut aller cliquer, le prendre tout de suite. C'est ça, 2,99€. Ça s'appelle Mal avec 6 morceaux dessus. On va pouvoir en découvrir cette semaine aussi entre 20 et 21. Le petit jeu Action ou vérité, je vois les propositions qui me sont faites. Certaines qui me viennent, certaines qui me vont bien, d'autres un peu moins. Ouais, je crois que mon idée... Et la mieux pour l'instant ? Ouais, largement. Bon, tu nous en parleras dans un instant, parce qu'il faut que psychologiquement je me prépare. Il y a des gens qui sont en train de s'installer autour de toi. Salut les potos ! C'est qui ? Alors présente-nous. Alors ça c'est Buzz Lab, une bonne partie de Buzz Lab Paris. Il y a Lucma. Ça va messieurs ? Chez Dishaka. Ça va Fred, tranquille. Bah ça va, je me disais j'ai passé une semaine avec Tennis, je me retrouve avec trois gaillards qui sont autour de la table. Ils sont méga. C'est ça ouais en fait. C'est important. Ouais, continuons donc. Il est où Tonton Lox ? Tonton Lox, il est où ? Ah bah il est là. Ah, là Tonton Lox qui est là aussi. Il faut une chaise à Tonton Lox. On va lui trouver une chaise, on va l'installer. Et OGKs. Personne. Ça va bien messieurs, en pleine forme ? Ouais, donc alors c'est qui ? Présente-nous un petit peu. Bah alors, ils font partie du collectif Buzz Lab qui est fondé par Lox qui est juste derrière. Ce serait bien que tu te présentes Tonton. Ok, donc je me présente, c'est Lox, ça a déjà été. Lox qui est un de mes collaborateurs sur cet album et qui est derrière Mal et Femme Indé. Notamment. Voilà, on co-écrit ensemble depuis très longtemps et il est même derrière... Il est derrière le fait que je chante en français aujourd'hui. Limite. D'accord, parce que toi, oui, c'est vrai que tu chantais beaucoup en anglais. En anglais. J'ai surtout en anglais, voilà. Mm-hmm. Et voilà, ça me faisait peur le français, comme je disais tout à l'heure. Et voilà mon tonton qui m'a motivée à faire le pas vers. En fait, non, ouais, c'est une belle histoire. Hein. C'était une belle rencontre. Moi, j'avais envie de bosser avec elle de ce que j'avais entendu. On s'est rencontrés à Dakar. Le feeling, il est bien passé. Et voilà, c'était il y a 5 ans. Et depuis, tu vois, aujourd'hui, on est là devant donc toi. Ça continue. C'est une belle aventure. L'idée du collectif, c'est quoi ? Faire des sons ? Le collectif, Buzz Lab. Alors, Buzz Lab, c'est. Tiens, assieds-toi, parce que est-ce qu'on peut pas trouver une chaise ? Parce que là, t'es debout, ton prend l'oxe. En plus, t'es pas petit. Voilà, qu'on puisse. Alors le Buzz Lab en fait c'est une aventure qui démarre en 2007 avec moi et Simon ici présent. On a monté la structure à Paris, c'est un studio et un label tu vois. Et un an après je suis parti monter la même structure à Dakar, Buzz Lab, et aujourd'hui on est les numéro 1 dans le hip-hop au Sénégal avec Canabas notamment et voilà, et Tennis ça faisait partie. Et donc tu tombes sur Tennis un jour ? Je tombe sur Tennis, je l'avais entendu donc je la cherche déjà un peu dans Dakar tu vois, mais finalement ouais c'est mon gars Bass qui a commencé à bosser avec elle. Moi je suis rentré de Paris parce que je fais des allers-retours entre les deux structures et il m'a dit c'est bon, on a commencé à bosser un son, ça se passe bien, à part qu'elle a attrapé le palu en venant la première fois au studio, sinon. Et ben, on saura. Action ou vérité, le palu. Pas mal. Et donc du coup ouais c'était voilà, ça s'est super bien passé. Et donc ouais c'est, tu vois aujourd'hui là, elle est là sur son truc en solo, mais pour tous les membres de Buzz Lab, que ce soit à Paris ou à Dakar, c'est une membre de l'équipe quoi. Tu vois, et donc ça veut dire qu'il y a quand même eu, tu nous disais, du boulot, puisque ça fait 5 ans a priori que t'as été repéré, avec qui t'as commencé à bosser. Ouais, on a bossé beaucoup de titres, hein. On a dû bosser je sais pas une vingtaine de titres ensemble, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Après tout n'a pas été retenu, tout n'a pas été fini, mais ouais on a bossé. Je voulais qu'on revienne d'ailleurs sur, parce qu'on était un peu bloqué sur ton histoire, et notamment quand t'es au Sénégal, quand t'es à Dakar. C'est à quel moment que tu décides de venir ici en France ? Alors, je sais plus trop. Là, on est en 2015, on va dire. Peut-être en 2010-2011, je commence à parler du projet en français et je commence à me tâter sur le fait de venir en France et démarcher sur ça. Donc, je suis arrivée ici en début 2012, si je ne me trompe pas. Je me suis installée J'ai trouvé un petit boulot, j'ai pris mon appart, voilà, j'ai fait le grand pas, quoi, parce qu'avant ça, j'étais complètement bohème. T'étais déjà passé en France, je suppose. J'y passais tout le temps, mais je m'étais jamais installée. D'accord. Je vivais vraiment dans ma valise et j'en profitais. Je voyageais vraiment de gauche à droite, je me faisais des contacts. Puis voilà, à un moment, j'ai eu envie de rester à la maison un peu, rester à Dakar et voilà, bosser avec les gars, j'étais dans une bonne énergie. Et voilà, par la suite, je me suis installée et là, on a commencé à avoir un bon petit projet entre les mains et on a commencé les démarches. Et les démarches sont fructueuses, on peut le dire, puisque vous allez croiser la route d'un label. Voilà, ici, ouais. Ouais, notamment avec Julio, qui a le boss aussi, qui est Montréal, qui a fait la connexion avec... Très belle histoire avec Julio aussi. On en parlera peut-être demain. Bon, on en parlera toute la semaine, on a le temps. Ouais. On en parlera toute la semaine. On va aussi découvrir ce EP, on passera un morceau dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on mettra comme type? C'est Femme Indé, je crois, non? Femme Indé et Mal, Tonton Lox. Et Tonton Lox, on les mettra dans un instant. Il y a aussi un son à vous passer, on l'avait promis tout à l'heure avec Emeric. C'est le nouveau titre de DJ Amida qui va encore vous ambiancer tout l'été. Le morceau s'appelle Panam, on le découvre maintenant. Et on retrouve Tennis juste après. DJ Amida. Miss Party 2015. Depuis des mois ça parle sur moi. DJ Hamida, DJ Hamida. Sans me connaître tu parles de moi. Camo. Je vois ces gens sauter devant moi. Danser dans le noir sur un son à moi. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam, on est sur Panam. On est sur Panam. Je refais jouer les plus belles women. Mon cœur qui s'emballe, des bois, des chichas remplis de vandales. Je joue le blindé, mis à côté, gamos de taré. Bienvenue sur Panam, on détend ta femme sans état d'âme. On est sur Panam. Si t'as pas dosé, c'est un scandale. Ici c'est normal, de claquer ça paye dans des Jordan. De la tête aux pieds, les gars sont soignés, rasés, contournés. Welcome to Panam. Pas de mesdemoiselles, que des mesdames. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. La ville où la folie se pavane. Même la capitale te dira que la banlieue fait son charme. Si tu te fais caler, ne sois pas fâché, y'a d'autres soirées. Bienvenue sur Panam, là où les videurs jouent les vandames. On est sur Panam. La différence est notre plus belle âme. S'il y a du vacarme, c'est que j'envoie de la musique en rafale. Ils me détestaient, je les ai ambiancés, ils m'ont validé. Viens donc sur Panam, où la colle c'est de l'eau man. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. On est sur Panam. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec DJ Amida qui va encore nous ambiancer tout l'été avec son projet qui arrive. Et Camro à l'instant pour Panam sur Skyrock. Tenny est notre invité aussi cette semaine. Yo yo. Avec le EP qui s'appelle Mal qui est sorti aujourd'hui. Donc on peut télécharger légalement, je précise. Vous le récupérez avec des morceaux comme Action ou Vérité. Un autre titre qui s'appelle Femme Indé qu'on va découvrir dans un instant. il y a ton collectif qui est là. Oui. Donc ça va, t'es en famille, t'es bien là. Je suis en famille, toujours en famille, c'est important. Mmh. Ouais, mais ça c'est, je comprends quand tu, quand, plus toi qui a voyagé un peu partout dans le monde entier, sur tous les continents. Voilà, faut avoir ses repères. Faut avoir certains repères. Ouais. Exactement, on finit paumé sinon. Ouais. Et là, t'es donc en France. On le disait, t'es arrivé il y a quelques années ici. Mmh. Le projet avance bien, mais mine de rien, ça t'a paru long ou pas toi ce parcours jusqu'à la sortie aujourd'hui? Ça m'a paru long parce que j'ai commencé ce parcours à 17 ans. Mes parents, ils m'ont demandé juste d'avoir le bac et voilà, de faire ce que je voulais de ma vie. Parce que depuis longtemps, je leur disais, voilà, moi, je veux faire ça, je veux faire ça. Ils ont été d'un très grand soutien. Et depuis mes 17 ans, ben, on peut dire que je parcours un peu le monde à la recherche de mon rêve, quoi. Mais c'est quoi, il y a aussi, t'es issu d'une famille où ils sont musiciens où ils... Pas du tout. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à tourner vers la musique, à chanter, à vouloir chanter? Je sais pas, c'est vraiment l'amour, l'amour de la musique. Je crois que je suis tombée amoureuse de la musique à 6 ans. De la ouais, j'ai bien dit ça, oui, j'ai eu un petit bug. J'avais 6 ans, j'ai découvert un groupe qui s'appelait Deep Forest par mon père. Ah oui, mais ça, c'est des trucs en plus. Ouais, bah voilà. Ça, à 6 ans déjà, tu commençais, pas mal. Et en fait, ça m'a fait kiffer, quoi. Ah bah ça je comprends, ouais. Moi aussi, il y a eu quelques soirées Deep Forestiennes. Tout le monde s'en souvient, quoi. Ah ouais, moi j'étais pas au courant que c'était un truc chez vous. Oh bah. On va te tenir au courant, tu vas voir toute la semaine. Là pour découvrir tous les dessous de la maison. Plusieurs sessions Deep Forest. Ah bah, hein. Plusieurs sessions Deep Forest. Ah ouais. On réécoutera l'intégrale de Deep Forest. Enfin, ça, c'est bon, ça. On doit avoir ça dans un placard quelque part. Hein. Ça se trouve, t'inquiète pas. Ouais, je suis tombée amoureuse de la musique comme ça. Les sonorités, les voix qui viennent un peu d'ailleurs. C'était vraiment de la musique pure. Il n'y avait pas de paroles, il n'y avait pas de... Voilà. Après, étant donné que je suis une enfant qui a grandi, je ne sais pas, dans les années 90, j'étais vraiment issue de la culture, de la culture pop. Non, mais la culture pop, vraiment dans son essence. Les boys band, girls band, tout ça. Donc, je trouve que ma musique aujourd'hui reflète un peu tout ça, quoi. Le mélange... parfait de la pop et des choses un peu. Ce qu'on appelle, oui, le côté un peu pop urbaine, quoi. Voilà. C'est un petit peu une nouvelle étiquette pour qualifier des sonorités qui, en effet, sont prises un peu dans la pop, le côté urbain, parce que tu as aussi ce côté urbain, hein, bah, on le voit aussi avec les gens qui t'entourent. D'ailleurs, il y aura un live tout à l'heure, si je me plante pas, session freestyle. Yes. Ouais, freestyle de Likma, Shady Shaka, Case et Tonton Lox. Tonton Lox. Et je ferai les petits. Ouais, lâcher un petit 16. Ouais, pourquoi pas. Petit 16 et demi. Volontiers. Et alors, tu sais qu'il y a aussi plein de gens qui t'aiment déjà beaucoup. Bah, merci. Moi, j'ai reçu des messages. On m'a envoyé des messages. On m'a dit non, il faut. Tu reçois Tenny dès lundi. Premier message, tiens, c'est une jeune fille que tu dois connaître. Écoute bien. Salut ma Tenny, c'est Zao, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te souhaiter plein de courage et bonne chance pour ton Planète Rap. Et si t'as un souci avec Fred Musa, bah tu m'appelles, hein, et je règle ça en 2 secondes. Tu lui feras un bisou au passage et j'espère qu'il mettra une chemise, hein, honneur aux dames. Ça va, il a allez, gros bisous, déchire tout. Ciao. Merci ma boss, merci. Zao qui voulait absolument participer à ce Planète Rap et qui a pu nous laisser un message parce qu'elle bosse beaucoup en ce moment, Zao. Merci, merci Zaza. C'est ma boss, Zao. C'est vrai? Ah oui. Vous êtes donc rencontrés, c'était une belle rencontre avec Zao? Ah oui, c'était une très belle rencontre pour moi. Je rencontrais une de mes idoles, hein, en vrai, c'est ça. Ah ouais, fait partie des gens que t'as beaucoup écouté? Ouais. Bon, t'as entendu un petit délire avec les chemises, je sais pas ce qu'elle a à chaque fois, va me voir mais porter des chemises. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est tomber la chemise quand il y a Zao dans les parages. Non, mais je dis, quand il y a Zao, il faut que je mette une chemise. Donc là, j'ai trouvé un petit peu. Une chemise, même pas un t-shirt, d'accord, ou un polo. Non, c'est vraiment. Elle a un délire avec les chemises. Je sais pas. Elle aime me voir en chemise. Il y a des gens qui aiment les pieds. Elle aime quand je me. Ah, ok. Elle aime quand je me mets en chemise. Donc c'est pour ça le coup de la chemise. D'accord. Donc si tu veux que je mette une chemise, ce sera un action. Je te remercie, Tenny. Ce sera un action vérité, en tout cas dans la semaine. Si tu veux qu'on se fringue autrement, n'hésite pas. On aura l'occasion d'en reparler. On va revenir donc dans un instant. On mettra le Femme Indé, c'est ça, en premier? Oui, c'est parti. On écoute Femme Indé. Et bah, bougez pas, c'est juste après la pub. Et c'est Tenny qu'on découvre cette semaine, elle est notre invitée dans Planète Rap. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Tenny pendant une heure complète ce soir. Planète Rap Tenny. C'est Tenny toute la semaine entre 20 et 21. Elle est là avec nous. Vous pouvez découvrir Tenny aussi en image sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock. Yeah. Merci en tout cas pour vos tweets. J'en vois des très. Moi aussi, je vois des dossiers arriver. On me dit demande à Tenny si le Jap à 4h du mat est bien passé. Tu vas rire. Ah, il est tellement pas passé, mon frère. Punaise. Là, il me semble que j'ai découvert la vraie Tenny avec cette histoire de Jap. Oh putain, merde. Ah non, la Jap. Ah, moi, je suis souvenu pendant 15 jours du Jap. Une galère. Mais quand? Mais hier, je suis rentrée. Ah, hier soir? À quelle heure je suis rentrée de base là? Peut-être à 3h, 4h du matin. Non, 3h. Ouais. Comment les gens connaissent ce dossier? Bref, j'avais faim parce que j'ai tweeté tellement j'en pouvais plus. Ah, c'est pour ça. J'avais la dalle, donc j'ai mangé tout ce qu'il y avait dans mon frigo. Il restait du Jap d'il y a quelques jours, peut-être avant-hier, je sais jamais, plus. Mais ça, jamais. Wow. Le poisson cru comme ça? Qui a quelques jours? Non, mauvaise idée. Ça, c'est très très mauvaise idée. Ah ça. Oui, je l'ai su ce matin à 9h. Ah, j'aime bien Tonton Lox. Regarde, Deep Forest, tu demandais, il est là, Tonton Lox. Ah, il n'y a que lui. Ah, bah non, mais on est bien entouré. C'est déjà rentré dans la forêt, par ici. Ouais, on est bien. Oh, bah, voilà, oh, bah, c'est. Ça y est, la plantation. Ah, ouais, c'est. On est des gens des bois. C'est l'Amazonie. Ça va aller, frère. Tout va bien. Ça va aller. Ah, ouais, donc Jap, mauvaise idée. Tu t'es dit que tu n'allais pas faire le Planet Rap cette semaine, en fait. Non, bon, quand même, si. Bon, alors ça va mieux là? Non, ça va beaucoup mieux, merci. Il y a quoi de prévu ce soir? Il reste des trucs dans le frigo? Je mange que du coca depuis tout à l'heure. C'est bien, et du riz. Passe tout seul. Non, il y avait un truc aussi que je voulais préciser par rapport à toi, évidemment. Donc, ça, c'est sorti aujourd'hui, c'est le EP. Ouais. Mais première partie de MP? Ouais. Ça y est, ça a commencé là? Pour lui, ça a commencé. Pour moi, ma première date, c'est le 20 mai. 20 mai, la première date pour toi? Ouais. Il y aura Paris aussi, tu seras au Zénith de Paris avec lui. Oui, le 12 et 13 juin, voilà, c'est ça. Voilà, c'est cool. Hein. Bah, c'est beau, c'est magnifique. Ouais. Première partie, vous verrez donc. Je suis en pleine préparation. Donc ça y est, ça bosse. Mm. Petit show, quoi, 15-20 minutes. Ouais, voilà, un petit show sympathique. Bon, bah, comme ça, si vous allez voir MP, hein, dites-nous aussi si vous comptez y aller, vous verrez à partir du 20 mai, Tenny qui rejoindra MP en première partie. Et merci, notamment... ma Tenny Tribe, excuse-moi. Non, c'est non, gentil vas-y. Ce qu'il a écrit. Mais il y a plein de gens qui te supportent. Hein. Tu es la sirène du rap français. Tenny Gang, Tenny Tribe. C'est pas mal ça, la sirène. On a tellement eu de princesses. La sirène du rap sirène. Français, on n'avait pas eu. Tiens, on la met de côté. Bravo Gerbeux qui nous a envoyé ça. Pas mal aussi ton pseudo. Hashtag Tenny sur Skyrock, vous balancez plein de messages. Avec Tenny, on avait promis aussi un morceau. Mais juste avant, j'avais aussi un autre message. Yazao qui tenait absolument à te laisser un message. Et il y a une autre personnalité aussi de cette musique. Qui est-ce donc? Écoute. Salut Tenny, c'est Sopra pour te donner de la force. À la bien, à la bien. J'espère que tu vas bien. Courage à toi, force. Fais tout ce que tu aimes avec le cœur. Chante avec le cœur. Oh, amuse-toi plaisir. Bien. Et à très bientôt, j'espère. Ciao. Oh, merci. Monsieur Sopra, baba. Merci. Soprano. Ah, je suis tarpin contente là. Tarpin contente. Ah, ouais. Tu es tarpin refaite entre Zao et Sopra. Un petit mot sur Sopra? Bah, j'adore. C'est vraiment quelqu'un de simple. Il a toujours un sourire, toujours des bons conseils. Super avenant, vraiment une bonne personne. Et bon, salut Sopra qui est lui aussi. Je crois que là, il a fini sa première partie de tournée, mais qui va faire aussi tous les festivals avant de repartir en deuxième tournée. Et pareil, ne loupez pas Cosmotour, c'est incroyable. Je sais pas si t'as vu. Ah oui, mais j'ai vu des vidéos. C'est trop, trop fort le Cosmotour. C'est un truc de fou. Et bon, salut Sopra. Et on écoute donc ce morceau, Tenny, maintenant, Femme Indé. Femme Indé. Allez, c'est parti. Hey! Qui a écrit, qui a décidé que ça devait se passer comme ça? Passer comme ça, passer comme ça. Une femme indéprécise décidée au micro, ça donne ça. Ça donne ça, ça donne ça. Le pouvoir aux femmes mais pas la femme au pouvoir. Si on échangeait les rôles, si on inversait pour voir. La fin disent qu'on a raison avant, refuse de nous croire. Et si on révisait la façon de nous voir. Dis-leur qu'on est des plans A, y'a pas de plan B. On verra si t'es volage, les ailes plombées. Il serait temps de réviser la façon de nous voir. Aujourd'hui sonne le début d'une nouvelle histoire. Donc pour le maintien de la paix, les machos faut zapper. Oui, les femmes ont changé, force est de le constater. Donc pour le maintien de la paix, les femmes battues, c'est le passé. Il n'est pas question que ça continue comme ça. Qui a écrit, qui a décidé que ça devait se passer comme ça? Passer comme ça, passer comme ça. Une femme indéprécise décidée au micro, ça donne ça. Ça donne ça, ça donne ça. Il est posé comme un loyer, pouvoir. Si on échangeait les rôles, si on inversait pour voir. À la fin, disent qu'on a raison avant, refuse de nous croire. Et si on révisait la façon de nous voir. Donc pour le maintien de la paix, les machos faut zapper. Oui, les femmes ont changé, force est de le constater. Donc pour le maintien de la paix, les femmes battues, c'est le passé. Il n'est pas question que ça continue comme ça. Je paye ma propre bouteille comme mon loyer. Big up à toutes les femmes indépendantes, if you know what I mean. Thank you, mama, I love you. Sur Skyrock, tennis sur Skyrock, sur Skyrock, sur Skyrock, sur Skyrock. Oh, merci Tenny Gang, mon gang. Eh ben voilà, toute l'équipe qui est en train de découvrir les messages qui arrivent pour ça toi. Ça fait plaisir. Tenny avec ce morceau Femme Indé. C'est toi qui écris les textes, Tenny, ou... Moi, Lux. Ouais, bon, c'est sur celle-là, j'ai un petit peu de ma plume aussi. On a co-écrit. Donc c'est toujours une super expérience de co-écrire avec Tenny. En fait. Souvent, ça part d'une discussion. J'aime bien qu'on discute, comme ça on sait où on va, on sait à peu près ce qu'on veut dire. Et puis après, on se met à bosser. Moi, en fait, tu vois, maintenant, je suis parolier pour d'autres personnes, mais j'ai vraiment commencé le taf de parolier avec Tenny. Avec Tenny, ouais. Et on s'est vraiment apporté mutuellement, je crois, tu vois. En tout cas, ouais, moi, elle m'a apporté. Je pense que je lui ai apporté aussi. Et c'est toujours grave agréable. Et c'est vraiment une vraie artiste, tu vois, elle sait ce qu'elle veut. Et voilà, moi ça a été un peu du coup difficile parce que commencer à bosser avec elle, quand après tu passes à quelqu'un, c'est pas toujours forcément facile parce que elle va vite en cabine, elle va vite, tu vois, on est dans le même feeling. Bon, maintenant en plus c'est une amie, donc tu vois, c'est vraiment, ça va vite quoi, tu vois, on va vite ensemble. Tu l'as vu aussi, je suppose, en 5 ans, puisque ça fait grosso modo 5 ans que vous bossez ensemble, progresser aussi, t'as senti une vraie progression? Ouais, bah sincèrement, je vais pas inventer pour faire beau, pas spécialement parce qu'elle était déjà forte quand on s'est rencontrés. Peut-être qu'elle a progressé, je m'en suis pas rendu compte, mais franchement, moi j'étais déjà fan à la première écoute. Tu vois. Est-ce que tu as joué avec elle à Action ou Vérité? Pas encore, on s'est contenté d'écrire le texte. Tu vois. Tu peux prendre ma place ce soir parce que normalement c'est moi qui m'y colle. Ah, c'est ce toi soir. Qui dois le faire, mais écoute, comme on a parlé de ta chemise et tout ça, je crois que je vais te laisser. Je vais te laisser assumer ton action. Mais tu te... Je te la donne maintenant? Non. Dans 5 minutes, on va attendre un petit peu, mais il faudra me la donner avant que je me prépare psychologiquement à cette petite action. Ça va, c'est rien de physique en tout cas. Mais peut-être par la suite, ça sera physique. Parce que toi aussi, demain, ça va être physique. Prépare-toi, parce que demain, c'est mon tour. Demain, c'est mon tour. C'est à moi de jouer demain. En fait, il est en train de te dire, faut que tu sois sans pitié, parce que lui, il sera. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, c'est ça que j'avais compris. Ouais, non, tu as mal compris, arrête. Attention dans ton log. Attention. Tenny, notre invité cette semaine avec le hashtag Tenny sur Skyrock, vous balancez les messages. Je te présente Nahir de Bobigny. Salut Nahir. Ouais. Ça va bien Nahir? Bien. Est-ce que tu connais Tenny, Nahir? Je connaissais pas trop. J'ai écouté 2-3 sons il y a pas longtemps. Ouais, ça va. C'est un bon délire. C'est autre chose. Eh ben, c'est autre chose. Merci. Ok. Bah, je t'invite à écouter le EP. Il y a d'autres délires encore à découvrir. Ok, pas de soucis. Nahir, il vient rapper par téléphone. Et attention, cette semaine, amis freestylers, vous repartez avec des Samsung Galaxy Tab 4. Il y en a 5 à choper pour tous les freestylers. À l'occasion de la sortie du film Pyramide, un film qui sort le 6 mai, qui a notamment été produit par Alexandre Aja, le réalisateur de La Colline à des yeux. Et donc toi, il y a ta Samsung Galaxy Tab 4 que tu recevras bientôt. D'entrée de jeu, Nahir, c'est pour toi. On t'écoute rapper, c'est parti? Ok, c'est parti. Session freestyle par téléphone. S'il y a un décalage, mec, c'est pas grave. S'il y a un décalage, mec, c'est pas grave. S'il y a un décalage, mec, c'est pas grave. J'entends des échos, les mecs en bécanon, décalant, décollant, le thème se volant, les volets, je les voulais, j'ai raté les mollets, à molla, reste de cotamine comme mes polas, les boulons, des boulons, j'ai déjà comme ma polonaise, pas traîner ton fils, trop pas du bois de boulons, et puis j'ai les balades, parce que mes cuisines, je suis végétarien, je raconte que des salades, je gère le business, reste à pleine vitesse, je graille tout le monde, je reste fitness, quête mon corps dans le kinet, j'ai pas besoin de chèque là, tu sais déjà, c'est qu'il baisse, pas le temps, j'attends de pied ferme, je suis à propos, j'attends de pied ferme, suis sur Skyrock, l'invité c'est Tenny. Ma visée est South Park, tout le monde me prend pour Kenny. Je suis coach sur Skyrock, l'invité c'est Tenny. Ma vie c'est South Park, tout le monde me prend pour Kenny. Je vais les rafaler, rafaler, rafaler, rafaler, rafaler, boum boum. Je vais les rafaler, rafaler, rafaler, rafaler, rafaler, boum boum. Le T-Max est cabré, T-Max est cabré, vroom vroom. On pète à ta casa, assalamu alaikum, koum. Ouais, ouais. Yes, à l'instant, Nahir en freestyle. Bravo à toi, Nahir. Bravo, Nahir. Merci. Il y a donc la Samsung Galaxy Tab 4 à l'occasion de la sortie du film Pyramide qui sort mercredi. C'est pour toi, Nahir, on t'envoie ça. Ok, ok, pas de soucis, je peux passer une petite dédicace, vite fait. Vas-y, vas-y. Dédicace à toute mon équipe, LEDG, JRM, Arsenal, Pizzi, Seca, Nimes, tout le monde, Chacal Record. Et j'ai une petite annonce, il y a un clip qui arrive bientôt avec une grosse tête du rap français, j'en dis pas plus. Allez suivre la page LEDG officiel. LEDG officiel. Twitter. Ouais, ouais, il y a un gros clip avec une grosse tête. Pour les curieux, allez découvrir, vous allez voir. Allez cliquer, allez suivre LEDG officiel. Merci à toi en tout cas. Ouais, pas de soucis. Passe une bonne soirée sur Skyrock. Tenny, notre invité. Salut. Entre 20 et 21. Et regarde, Fred, attends, excuse-moi, je te coupe. Qu'est-ce un qu'il peu. Y a regarde, non, vas-y, vas-y. Tu nous rappes un morceau. Tenny Gang qui demande. Alors j'ai un petit morceau rap là que j'aimerais bien que tu passes tout à l'heure. Enfin, il est pas rap, mais il commence par un rap assez sympathique. C'est... J'aimerais bien le faire à l'antenne avec toi. C'est Caramel Beurre Salé. On Caramel Beurre Salé, on va l'écouter. Hein ah, maintenant ou tout à l'heure? Bah, comme tu sais, toi, comme tu veux. Il y avait Mal qui était calé, donc tu choisis. Bah... C'est en planète rap, donc tu fais ce que tu veux. Allez, Caramel Beurre Salé, un tu peu. Préfères on termine par le titre de l'album, Mal. D'accord, on hein terminera avec. Ah, et puis il y aura entre temps aussi un live hein, dans quelques minutes. Ah oui, ah ça y est, c'est l'heure du live après. Après, tranquille. Bah, allez, Tenny Gang, voilà un petit son où je rappe. Allez, hein, c'est parti. Ça fait plaisir. Caramel Beurre Salé. Are you with it? That sugar and spice, sweet but powerful, you feel it. Tell me if you're ready for a taste of that LA. I'll open up your taste buds, hope you like chile, chile, chile. Baby, rendez-vous 20h30, rendez-vous sur Skyrock. Baby, j'ai plein de nouvelles recettes piquantes. Ce soir au menu, c'est salé, sucré, sucré, salé. Fais de moi ton chapeau collé. Dis-moi si tu aimes le chaud chaud bien doré. Dis-moi si tu aimes le dessert, je veux te faire goûter. Dis-moi si tu aimes mon caramel beurre salé. Dis-moi si tu aimes. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Baby, assaisonné d'amour, épicé mes doigts à la fois. Baby, j'espère que t'en redonnes. Ce soir au menu c'est salé, sucré, sucré, salé. Une bouchée d'évasion. Pour à l'entrée le plat, le dessert. Le fait, viens déguster. Lèche-toi, je t'attends. Fais de moi ton chef étoilé. Dis-moi si tu aimes le chaud chaud bien doré. Dis-moi si tu aimes le dessert, je veux te faire goûter. Dis-moi si tu aimes mon caramel beurre salé. Dis-moi si tu aimes. Fais de moi ton chef étoilé. Dis-moi si tu aimes le chaud chaud. That sugar and spice, sweet but powerful, you feel it. Tell me if you're ready for a taste of the LA. I'll open up your taste buds, hope you like chile, chile. If you like all things exotic, I got everything that you want. That Africana mama, good home cooking, I got you. Come into my kitchen, take a look around. I'll take you on a world tour without leaving town. Dis-moi si tu aimes, chaud, chaud, bien doré. Dis-moi si tu aimes, le dessert, je veux te faire goûter. Caramel et beurre salé à l'instant. Il y a plein de gens qui disent elle est pas sur le EP celle-ci. Non, ça c'est un inédit de ça, mon c'est... album ouais, à venir. Il y a aussi un album qui arrivera. Bah oui, mon album Yin Yang. Yin Yang. Qui sortira un peu plus tard dans l'été, si tout se passe bien. Donc Cet été, plutôt fin d'été. Moi, je dis plutôt fin d'été. Fin on d'été. Verra. Moment de la rentrée. Ouais, ce serait mieux. Et donc, sa titre inédit qui s'appelle Caramel Beurre Salé. Voilà, de Tenny pour tous ceux qui demandaient. Mais on ne le trouve pas sur le EP. Ça arrive. Là, c'est EP, un titre inédit. EP, c'est une carte de visite. Ouais, voilà. Qui vient de débarquer aujourd'hui. Vous pouvez précommander dès maintenant. Enfin, même pas d'ailleurs, commander tout de suite. Hein, vous l'avez à la maison. Allez l'écouter. Je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Il y en a pour tous les goûts. Il s'appelle Mal. On écoutera d'ailleurs l'extrait du même nom dans un instant. Mais si tu veux bien, maintenant, je crois qu'il est temps de passer au live. On passe au live avec Buzz. Alors, représente-nous un petit peu qui est là, qui est autour de la table. Alors, Likma. Yes. Shelly Shaka. Russell. Lox Leg. Et Case. C'est toute l'équipe de Buzz Lab Paris. C'est toute l'équipe du Buzz Lab. Enfin, il n'y a pas tout le monde. C'est là, c'est les plus. Pour moi, moins mis à part, Fred. C'est les plus jeunes de l'équipe là qui sont venus. Et voilà. Et on va les écouter. Le mieux, c'est de les découvrir maintenant. Exactement. C'est du live dans Planète Rap avec toi aussi, Tenny. On attaque, tout le monde est prêt? Allez, coup d'envoi, go! Dis-moi d'où est-ce que tu me connais? Je ne te dois rien, je n'ai rien à te donner. Je suis venu chercher la monnaie en euros ou en dollars. Hey. Ah, écoute, je prends toi, ton équipe et ta go. Mon déo, je fais rodéo, tu prends le taco. Si je suis dans le bloc, c'est que je fais une affaire. Nouvelle paire de R, pendant que je quitte la terre, je les vois parler de ce qu'ils ont peur de faire. Je viens pour t'apporter, après la street sur le côté. Mes rebeux, mes négros sont dans le bloc en train de compter. Pendant que les tiens jouent les côtés, t'as un grand garçon. Ligma. Toujours derrière ma vocation, champi sans glaçon. Quand on se pavane dans la location, RGS, ils aiment trop parler dans mon dos. Oui, comme depuis que j'ai baisé. Non. Ça me fait pitié, mais tu sais, ça me prouve surtout que je vais les baiser. Les baiser. Comme ça, on est quitte. Ligma. Encaissé. Demande à mon équipe. Buzz là, Ligma. Où est-ce que tu me connais? Je ne te dois rien, je n'ai rien à te donner. Russell. Je suis venu chercher la monnaie en euros ou en dollars. Le son laisse résonner. Tennis, ça dit pas ma si tout va bien, ne laisse pas t'impressionner. Je suis venu. Frida entière. Hey. Frida et 2S. What's up? Fessel. Check. Ces rappeurs en font des tonnes, au confrère des tomes et des tomes. Le silence est d'or, dans la faiblesse l'homme est fort. On rechigne sur aucun effort par les moyens du bord. J'ai fait avec les moyens du bloc, avec les moyens du glock. Amiens, j'ai fait avec les moyens du nord. On vit pas avec les moyens du mort. On score et on score, on stop et non stop, les voir qu'au microscope. On rentre et on sort, rien ne vaut le confort, c'est les gros et qu'on sort. On les blessait encore, on les blessait en force, pensait pour être un boss. Négro, j'étais qu'un gosse, j'en foulais plein les poches, rivière rien pas bloc. C'est la guerre, on bat trop, levé pour le pactole, pour le sol, aura un col. Y'a assez pour sa folle. On est négro-tête de Tal Joyce. Oliver Aya Joyce. On a nous sommes ces boys. On voit juste ta voice. Loyauté mes homeboys. Agissons et no noise. Dis-moi d'où est-ce que tu connais? Je ne te dois rien, je n'ai rien à te donner. Je suis venu chercher la monnaie en euros ou en dollars. Donc monte le son, laisse-le résonner. Qui sait tout va bien, ne laisse pas t'impressionner. Je suis venu gravir les sommets. Yeah. Pour partir en guerre, j'ai les munitions. Comme le crack, t'as la chatte en ébullition. Je rêve de gros cul de cache depuis nourrisson. Ça traverse les putains, le mur du son, ma roue des veines. En guise de code de maille, ma coupe est pleine de sang, vise le décor de l'âge. Terrasse et bolos, c'est corps de l'âge. Rien de pire qu'un négro dans la force de l'âge. Force, mets du C4 dans la pitette. Bâtir sa vie comme sur la shitlake. J'ai déjà des fourrailles, le capitaine. Que des gros boules, pas de casser la gâte hyper. Je marche seul, assez de malice dans la boîte pour partir en guerre. T'as le seum, j'ai toutes les qualités pour les niquer, repartir en derme. Russell. Ma salope et fontaine, trop de flow. Black et la panthère sont de fauve. Je l'ai baisé, ta putain m'a fait du rôle. Je suis venu pour brasser, je repars en trop. Si. Tes négros sont chauds, tes négros font tiep. Arrêtez vos salades, je finis mon tiep. Je roule la grosse d'air, va pécho ta bêche et salade. Où est-ce que tu me connais? Je ne te dois rien, je n'ai rien à te donner. Je suis venu chercher la monnaie en euros. Tout va bien, ne laisse pas t'impressionner. Je suis venu ravir le sommet. Où je risque d'être là. Yeah. On est arrivé, on part seul. On récolte ce qu'on parsème. La vie te sème, n'est pas le seum. Chacun défend sa parcelle. Chacun pense à percer. Chacun pense en perso. On a tous été bercés, mais pas dans le même berceau. Chacun pense à l'excès. Chacun pense à l'exode. Les êtres humains restent vexés. rêve que Dieu les exauce. Dans ma tête c'est l'exil. Je ne peux plus me soucier des autres. Et vu l'argent qu'ils exigent, je ne peux plus me soucier des ordres. Tu te méfies des hommes, mais méfie-toi des femmes. Les pieux se méfient des flammes, au point d'entrer dans les ordres. Nous on finit déçus, blessés par les décès. Ma voix fait vibrer les cœurs comme si j'envoyais des subs. D'où est-ce que tu me connais? Je ne te dois rien, je ne te suis venu chercher la monnaie en euros ou en dollars. Donc monte le son, laisse-le résonner. Jusqu'ici tout va bien, ne laisse pas t'impressionner. Je suis venu gravir la sonnée en euros. Yes, à l'instant en live. Buzz Lab sur Skyrock, ça donne ça. Une pension de label, hein. Buzz Lab à l'instant. En live avec, avec Tenny. Il y aura du live d'ailleurs tous les soirs. Alors je ne sais pas si toute l'équipe sera là tous les soirs, mais en tout cas, bah, bravo à vous. Bravo à vous, messieurs. Yeah. Merci, frère. Yeah. Bravo. Et alors, c'est quoi pour Buzz Lab? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a Tenny en sortie, il y a aussi d'autres alors, projets. Alors, pour Buzz Lab, ouais, il y a beaucoup de choses. Parce qu'entre Buzz Lab Paris et Buzz Lab Dakar, mais pour résumer, ouais, il y a moi qui va sortir un projet en France, incessamment sous peu. Là, on va se revoir souvent, Fred. Habitue-toi à ma tête. Ouais, je sais, j'étais bien imprimé. Tu vois? Et c'est très bien comme ça. Et il y a, ouais, pour ce qui concerne la France, donc, t'as Likma qui prépare son projet solo, une tape. Il y a Shady qui va sortir Chronique d'un Huss 2, qui est sa deuxième tape solo. Il y a Case qui est sur sa tape aussi. Moi je prépare, je te dis, un album. Pour ce qui est de Dakar, les gens peuvent suivre, ils se renseignent à Dakar. On est les numéros 1, je peux me permettre de suivre fièrement. On peut vous suivre, il y a des adresses internet que tu peux suivre. Ouais, bah, tout, ils tapent Buzz Lab, hein, en fait. Il suffit de googliser Buzz Lab qui s'écrit B-U-2-Z-L-A, 2 B pour l'équipe de France et un seul B pour l'équipe de Dakar. On a discerné un peu. Mais c'est la même équipe et ils pourront voir un peu tout ce qui se passe. Là, on a le premier artiste de Dakar qui est rentré premier sur Trace Urban, là, son premier clip. Donc on est assez content, tu vois, ça s'exporte. Cannabis, big up à lui. Donc c'est le label qui montre qu'il faut suivre. Voilà, il sera d'ailleurs au Zénith de Paris samedi, pour ceux qui suivent. Voilà, Bass à Paris. Et bah très bien, donc du côté du Zénith de Paris, on t'y retrouve aussi, toi, les 12 et 13 juin, en première partie de MP. C'est ça. Tenny avec nous entre 20 et 21 dans un instant, donc Action Vérité. Allez, vas-y, balance-moi. Quelle est mon action ce soir? J'hésite. Est-ce qu'il y a un match de foot qui arrive bientôt ou pas? Ah bah ouais, il y a le championnat. Moi je vois bien, ce que je te vois faire. Ligue des champions aussi, si tu veux. Pourquoi pas un tweet Allez l'OM sur le Twitter de PSG. Voilà mon action. Pourquoi? On parlait de Champions League en plus. Et toi, tu supportes quelle équipe Ah non, moi je suis pas trop le foot. Non, je peux. Mais je sais que toi. Regarde Fab qui est là. Je te dis que je te préparais quelque chose de sympathique. C'est mignon. Ce week-end, je te le fais ce week-end si tu veux. Quand l'OM jouera. Et qu'on sera encore champion, qu'on sera encore premier. Ah non, tu veux pas me faire ça, pas un supporter parisien. Mais là, j'ai pas d'autre idée là. Non, mais c'est bien, vas-y, on réglera ça ce week-end. Ah ouais, donc ça part comme ça déjà, le Action Vérité. Alors, comment ça va? D'entrée de jeu. Ok. Ça va? Non, bah, c'est le jeu, voilà, c'est mon action. Ah, le hockey, il sentait la vengeance. C'est dur, hein. Là, c'est très très dur ce que tu viens de me faire. C'est qui, c'est Sopra qui t'a glissé le truc? Oh non. Je t'ai dit que j'avais des idées un peu hard. Celle-ci, c'est bien hard. Celle-ci? Bon, on va en reparler. Demain, le match retour, en tout cas, t'inquiète pas. Demain, ce sera ton action ou vérité. Tenny avec nous entre 20 et 21 dans le Planet Rap. Avant de se quitter, on finit avec un morceau. On met le mal. On met mal. Allez, c'est parti sur Skyrock. Et moi, je vais essayer. Mon Twitter est tombé en panne. Je n'arrive plus à tweeter. Bizarre, hein. Cassé. C'est l'heure de ta punition, ça va faire mal. La dégustation que tu veux manger. Tu m'as rendu femelle, laisse-moi te faire mal. Terminons la discussion sur le plancher. Laisse-moi prendre le devant. Réveiller tes sens en prenant tout mon temps. Vas-y, laisse-moi te montrer comment. Ce soir c'est la guerre, soldat en avant. Viens prendre ce qui te revient de toi ce soir. Tout est à toi, tu n'as plus rien. Dans le noir, je crois que tu ferais mieux d'avoir. l'heure de régler nos comptes et ça va faire mal. Cette pièce rare, ce beau diamant ne veut pas de ta monnaie. Pour un mauvais garçon qui aimerait faire mal, faut y aller un peu plus fort pour impressionner. Laisse-moi prendre les devants, réveiller tes sens en prenant tout mon temps. Vas-y, laisse-moi te montrer comment. Ce soir c'est la guerre, soldat en avant. Viens prendre ce qui te revient de toi. Toi tu n'as plus rien à négocier. Fais d'étincelles dans le noir. Je crois que tu ferais mieux d'appeler les pompiers. Je vais finir par te faire mal. Je vais finir par te faire mal. Je vais finir par te faire mal. Je crois que tu ferais mieux d'appeler les pompiers. Mal, je vais te faire mal. Je vais te faire mal. Mal, je vais te faire mal. Je vais te faire mal, mal, je vais te faire mal, mal, mal, mal, mal, je vais te faire mal, je vais te faire mal, mal, je vais te faire mal. Moi aussi, je vais te faire mal. Ça y est, j'ai envoyé. Hein. Tu l'as fait ? Bah oui, c'est... Oh, attends, c'est... Il a fait, il a honoré le jeu pour aujourd'hui. Sinon, ça tient pas la route, mais... Vivement demain. Demain, je demande vérité, de non, toute bah... façon. Mmh. Voilà. Ah oui, c'est vrai que tu peux choisir, mais... Eh hein. Bah ouais. Donc prépare ta vérité. Oh bah, t'inquiète pas. T'as cru que t'allais me faire faire une dinguerie. Une vérité peut devenir une action. Ma chère Tennis, c'est notre invité cette semaine entre 20 et 21. Le projet s'appelle Mal. On écoutait le morceau à l'instant. Morceau que t'as écrit par co-écrit. Co-écrit avec Danton Lux. Encore moins. Qui a eu encore la belle moins. Idée du double sens. Je trouve ça très chouette. Je vais faire de toi un homme. Qui s'est atteigné, moi, hein. Ah non, non, c'est pas à toi que je m'adresse, en fait. Ah, hein. Ah, c'est oui, pas c'est personnel. Je me disais, merde. Tout ça, personnellement. En fait, tu l'as dit tellement on en est pas là. Dans on les tu m'as regardé droit dans les yeux. Je vais faire de toi un homme. Ah ouais. Je me suis dit, ça y est, enfin. Non, pas ce soir. C'est le Planète Rap avec Tennis cette semaine entre 20 et 21. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock Radio. Okay. Skyrock t'offre la nouvelle compile Planète Rap 2015 et un bon d'achat de 60 euros. Skyrock. Skyrock. Avec Kaina de Saint-Maurice. Salut Kaina. Salut. Ça va bien, je te présente Tenny, notre invité toute la semaine. Salut Tenny. Salut. Oh pardon, excuse-moi, j'étais en train de lire les tweets. Oh, je suis désolée. C'est bon, elle est concentrée là, elle t'écoute. Ça va ? Kaina vient faire tourner la roulette. Ah, allez, tu bonne chance. Merci. Allez, action, c'est parti, dès que tu veux, tu dis stop. Et la roulette qui va s'arrêter, Kaina, pour toi, sur la case, c'est... Eh ben voilà. La compile extraordinaire Planète Rap 2015 avec plein de morceaux inédits et aussi pour toi 60 euros en bon d'achat. C'est pour toi, Kaina. Tu pourras acheter absolument ce que tu veux. Merci. On te fait un bisou, petite dédicace, petit message à passer. Ouais, je fais une dédicace à Marine, Titi, Sarah, Elodie, Anthony et à mes parents qui m'écoutent. Ça roule, bisous Kaina. Bisous Kaina, bonne soirée. Merci Tenny pour cette première soirée. On lui demande son adresse à Sérénade Paname là. Donc qu'est-ce qui a été énervé? Oula. Attends, qu'est-ce que j'ai pas vu? Ah bah, c'est normal, tu découvres. Des messages, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Voilà, c'est comme on ça. On les aime, on les aime, on leur fait l'amour. Serena, a priori, elle t'aime pas trop. Bon, bah c'est la vie, tu vois, on peut pas être aimé par tout le monde, c'est aussi ça. C'est vu le nombre de messages que t'as reçus, faut peut-être pas focaliser sur cela non plus, tu sais. Non, mais on les aime, ces gens-là, on les aime, on les aime de et tout. Et puis cœur. Peut-être qu'ils seront convaincus à la fin de semaine aussi, entre 20 et 21. Écoutez tous les soirs, t'es. Ou pas. Ouh là, Tenny, j'ai l'impression que toi, ça rigole pas. Et... Oh là là, en studio, comment ça se passe? Oui, parfois ou pas? Non, ça va parce qu'on est gentil avec elle. Bon, merci pour cette première soirée en tout cas. Merci Tenny. À toi, Fred. Merci à toute l'équipe aussi qui est passée, l'équipe de Buzz Lab. Merci, les gars. Merci, merci à toi, Fred. Merci Fred, à vous. Je peux faire une dédicace? Vas-y. Ok, dédicace. Ah, Nate Nizzy, ok. Frida Kir, Frider I2S, T2, on est là, je suis à Planète Rap, les frères. Ok. Dédicace à Tenny, à l'épée chaude CD. Chérie Chaka, merci à elle de nous avoir invités. Merci. De 25, Côte d'Ivoire, on est ensemble, Abidjan, on est là, les frères. Et bah, sur la Côte d'Ivoire. Allez, fini pour les dédicaces. Oh, monsieur. Grosse dédicace à l'Égyptien au placard qui vient de sortir de 4 piges. Dédicace à toi, Monto. Carros Gang. Benji. Dédicace à mon Roland Roland Garros. On ferme, il est frère. Là. Si, si, j'ai ramené de la jeunesse. Ouais, la jeunesse énervée, c'est tout ce qu'on aime. Merci Tenny en tout cas. Merci pour cette première soirée. Ouais. On va retrouver D-Fool qui doit être là avec toute l'équipe aussi de retour en direct avec tout le monde. Eh ouais, bonjour. Ça va bien. Salut, salut. Bonjour Tenny. Coucou. Salut. Tu connais pas encore l'équipe, t'es pas passé encore voir l'équipe de la radio. Non, on se connaît pas encore. Ah bah tu viens de nous faire un petit coucou. Bah oui, avec plaisir. Bah nous aussi, tu sais. On a bien récupéré certains invités de Ouais, ou certaines plutôt, d'après ce que j'ai compris. Tiens, tu pourras faire un action avec Romano, faire ton duo, un duo. De ton morceau par exemple. Ah Romano ça te dit bah, mais même pas ça te dit. Tiens bah, action Romano pas. Action. Fais un duo avec Tenny. Action. Fais un duo avec Tenny. Et bah tu vas pas être déçu. Attends, on se fait mater quoi. Ça, ça va il peut déjà Tenny faut pas la faire chier. Vous avez remarqué. Ah non Tenny la baguette quoi. Ouais Tenny. Le retour demain en pleine forme. Toute la semaine. C'est ta semaine Tenny sur Sky. Yes. Profites-en. On en profite avec toi. Dès demain 20h-21h. Avec Fredo aussi hein, le maître de ces lieux bien sûr. Oui. Le beau. Et puis bah, là j'ai quelque chose pour vous, Major Lazer, pour démarrer ah cette bah, soirée. Ah ouais. Ah ouais, Major Lazer. T'aimes bien Tenny, ça hein? J'adore, j'adore. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique, Tenny? Bah en ce moment, j'écoute pas mal ça. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute un peu de tout. Hein. Comme vous savez, j'aime bien Deep Forest. Mm-hmm. Après une longue journée parisienne dans le speed. Ouais. Tu te poses avec Deep Forest, Deep Fool. Ça fait un moment. Hein, ou Enya. Pas... Enya, tu connais? Enya, celle qui chantait Orinoco Flow. Mais bon, ça date quand même, cette histoire. Ouais, putain, oui. Ah oui, je me suis dit, Enya. Enya. Enya. Enya, du Enya, Enya. Faut pas mélanger Enya et Tenny parce que ça fait Tenya et là ouais, ça craint. C'est pas bon. C'est ce que j'ai failli avoir ce matin. Oh, d'accord, ok. Ah, mais sympa. Ah, Tenya. Voilà, Tenya étant un verre solitaire, je l'explique pour Cédric et les membres de l'équipe qui ne savent pas pour. Désolé, désolé. Je pense qu'elle peut vite intégrer l'équipe, hein, du fou, tu te rends compte. Elle est très bien cette Tenny. Oui. Très bien. On t'en retrouve demain, Tenny. On te fait allez, gros bisous. À demain. Et nous on retrouve Major Lazer et on vous attend dès maintenant 01 53 40 30 20 tout au long de la soirée avec une équipe en pleine forme. Ouais. Une équipe revigorée. Il paraît, oh, il paraît que l'équipe est. Bah, attendez, on a le prince du hip-hop qui est allé faire un séjour. Je sais pas, c'est chez 50 Cent, mais il a une couleur. Ah ouais, non, mais. Et t'es parti où, Romano? Je suis parti dans le sud. Dans le sud des États-Unis. Dans le sud des États-Unis. Non, non, dans le sud de la France. Ah bon, excuse-moi, tu es allé à Atlanta, Romano? Non, non, non, non, dans le sud de la France, il faisait beau, c'était sympa. Très bien. Tu es allé au Gros du Roi? Non, pas du tout. Le Gros du Roi, c'est Cédric. Ah oui, c'est vrai. Le Gros du Roi des cons, mais ça marche aussi. Bon, on vous retrouve tout de suite. Avec ben, le son de Linon, le son de Major Lazer, DJ Snake et puis Mo qu'on retrouve tout de suite sur Skyrock. Tenny le retour demain 20h-21h et Radio Libre ça démarre en direct tout de suite. C'est parti. Salut Fred. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Toute la journée sur Skyrock.